La traîtresse Pakounet cherche à présent à étouffer l'information de la presse sur les dessous de l'affaire scandaleuse ultra-géante. Elle a convoqué à la Maison Bleue le président du journal Tsuman Ilbon pour lui dire que l'affaire est la faute de Choi Soon-sil et qu'elle n'y est point impliquée et l'obliger à faire démissionner le directeur de la radio complexe à fil JTBC relevant du Tsuman Ilbon. Mais le président a refusé sa demande. La Maison Bleue a alors appelé Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, pour l'obliger à exécuter l'ordre de Pakounet. Il est de notoriété publique que JTBC est une des principales presses qui a dénoncé l'affaire scandaleuse de Pakounet et de Choi Soon-sil.